Chapitre 10e, en route vers le fond du Dahomey. Il y avait une question très délicate à régler. On allait courir des dangers, Mrs. Morton n'était pas brave. Dussonville s'en expliqua d'abord avec Mademoiselle de Pellware. Votre tante n'est pas faite pour une expédition qui sera certainement fatigante et périlleuse. Proposez-lui de rester chez Tikili pendant notre absence. Il y avait dans la situation quelque chose de scabreux. Fort de sa loyauté, Dussonville ne s'arrêta pas à un scrupule de simple convenance. Il avait adopté la jeune fille comme nièce, c'était sérieux, et il s'en regardait comme investi de tous les droits que confère l'avanculat. Quant à elle, de cœur droit et pur, elle ne voyait ou du moins ne croyait dans Dussonville qu'un protecteur, un tuteur, un ami. Donc elle alla trouver sa tante et lui proposa de rester à Porto Novo. « Y pensez-vous ? » s'écria celle-ci avec véhémence. « D'abord, pour raison de convenabilité, je ne puis vous laisser seul avec M. Dussonville. C'est mon oncle. Dans la forme. Il ne le sera réellement que quand nous serons mariés. Et encore, oncle par alliance seulement, ma chère enfant. » Mademoiselle de Pellware pâlit de colère et s'écria « Encore ? Mais certainement encore. Vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence, ma chère enfant. » Si M. Dussonville n'avait pas l'intention de m'épouser, cette adoption qu'il a faite de vous comme nièce serait une indigne comédie. Il y a ici des missionnaires anglais et je compte bien qu'au retour de cette expédition, le mariage se fera. Si M. Dussonville n'était pas si pressé d'entrer en campagne, sûrement nous aurions célébré ce mariage avant peu. « Votre folie est donc incurable ?» protesta Mademoiselle de Pellware. « Bon, bon, traiter de folie, une espérance basée sur les raisons les plus sérieuses, cela ne tire pas à conséquence, étant donné votre extrême jeunesse et votre inexpérience de la vie. En tout cas, je pars avec vous, parce que mon devoir l'exige doublement. Je ne saurais vous abandonner, ni abandonner mon fiancé. » Sur ce, Mrs. Morton fit une sortie majestueuse. Elle ne voulait pas entendre les choses désagréables que sa nièce n'aurait pas manqué de lui dire. Celle-ci dut se contenter d'annoncer à Dussonville la résolution de Mrs. Morton et le capitaine lui fit préparer un âne. Entre-temps, il avait rassemblé les ânières et les avait armées et équipées pour la campagne. Elles s'enthousiasmèrent pour le fusil américain tirant 50 cartouches à la minute et pour les revolvers à quadruple révoluteur qui tiraient 24 coups sans être rechargés. Dussonville fit voir aussi la puissance des mitrailleuses Maxim. Il en portait 4 sur les ânes avec leurs munitions. Au soir de cette journée, tout était prêt. Le lendemain, on partait. Aloïs était à Califourchon sur un des ânes du convoi. Delio, tout en suivant son maître, ne la quittait pas de l'œil. Les deux jeunes gens ne cessaient pas de se sourire. Quoique la paix fût profonde, la sécurité assurée, la caravane marchait en très bon ordre. Mrs. Morton faisait merveilleusement sur son âne. Elle le montait en Amazone. Elle était vêtue comme si elle allait en visite. Coiffée à l'anglaise avec force ruban clair, robe aux couleurs tapageuses, souliers de satin clair, bas blanc bien tiré et du fard sur les joues, de façon à se rajeunir de 15 ans. Les yeux étaient faits, si les sourcils. En main gauche, un grand parasol rouge. À la ceinture, un éventail dont elle se servait de temps en temps. Et dire que les anières l'admiraient et regrettaient de ne pouvoir s'émailler comme la belle dame. Elle l'avait surnommée ainsi. Gligli se pâmait devant Mrs. Morton, et elle demanda à Mademoiselle de Pellware avec étonnement « Pourquoi ne te tiens-tu pas comme ta tante ? Parce que c'est ridicule. »« Oh !» fit Gligli révolté. « Très joli. Pas ridicule. » Mademoiselle de Pellware ne voulait pas entamer une discussion. Mais 3 heures après, le soleil commença à taper ferme. Il but toute la rosée et bêtes comme Jean commencèrent à transpirer. Alors le phare fondit sur la figure de Mrs. Morton et la poussière aidant, toute la face se zébra de raies noires. Alors Mademoiselle de Pellware dit à Gligli en riant « Regarde ma tante, trouves-tu encore que c'est joli ?» et Gligli de rire. On fit la grande halte, on dressa les petites tentes, mais un des ponts de chacune était relevé à contre-soleil pour donner de l'air pendant la sieste. On prépara et l'on mangea la soupe au café. Mais Mademoiselle de Pellware, prenant un petit miroir de poche, le tendit à Mrs. Morton en lui disant « Regardez-vous !» Et la pauvre dame, après avoir contemplé ses traits, se voila le visage, honteuse de la caricature qu'elle voyait. « Allez-vous débarbouiller, ma tante ?» dit Mademoiselle Pellware. « Et ne peignez plus !» Dussonville riait. Mrs. Morton, furieuse, n'acheva pas son café et alla se réfugier sous sa tente. Mais la chaleur était si forte que le lourd sommeil de la sieste va bientôt calmer sa colère et apaiser son chagrin.